Je rappe pour mes potes à la base, je pense à mes potes à la base. Et si t'insultes un flic ici, peut te mettre sous contrôle judiciaire. Ouais, la vie c'est bizarre, tous mes potes me le disent. C'est un goût, fais le teaser, mon qu'est-ce que tu veux que je te dise. J'aimerais m'en vivre loin de là, ici c'est rempli de l'âge. J'ai plus le temps pour tes bêtises, cousin, moi je prends de l'âge. Wesh les potos, vous inquiétez pas, si un jour je pars, l'équipe, ne me regrettez pas. La vie c'est dur à en pleurer, comprends ta femme, t'es remballeux. Tu fais semblant que tu t'emballes, mais quand je parle d'elle, tu t'emballes. Pour elle, tu pars contre des paillots, si elle te pousse, tu t'emballes. Pour elle, t'as coulé, poteau. Tu mouilles même plus ton maillot pendant qu'elle danse la lambada. Toi, tu mets le shit dans l'emballage, tu sais que de toi, elle s'emballait, mais toi, pour elle, sur la calache. Et je sais que mes potos me diront, Jules, ça c'est bien parlé. Je répondrai, casse pas la tête, déguste en mode Bob Marley. Je fais des choses que je veux pas, je suis trop fier intérieurement. Aujourd'hui, ça va, demain, je mettrai les gants, tu meurs, man. Le rap, une tumeur, man. Si je m'écoute, tu meurs, man. Je veux l'argent du beurre, man. Faut que j'ai un Porsche, un beurre, man. Laissez-moi passer mes soirées tranquille avec mes potos. Ça a commencé par rien, maintenant avec moi ça prend des photos. Je t'explique ici, on veut monter une équipe comme dans New Jack City. On a vu trop de frères entrer, alors on finit en début de mandat qui dit. J'ai de l'inspi ardu, s'il te plaît, quand je rappe, parle plus. Écoute bien, Miss, tu commences par la bouche, tu finis par le cul. Je sais pas, mais sans les choses venir. Dis-toi bien que si je veux quelque chose, finis par l'obtenir. Mes phrases sont plus sensées qu'avant. Je commence en roue arrière, c'est rien, je finis en roue avant. Voilà fin d'après-midi, tout le monde au quartier. Les schmitts en face de moi, je rappe, ils font que me regarder. Ici c'est ambiance électrique, sans casque, sans argétrique. Après tout y'a que ça à faire, les petits me disent oh Dieu, mets-moi des zik, non. On voit les mêmes têtes, les frères je les connais, t'inquiète. Tu fais le mat, tu montes la voix, mais t'as pensé plus d'un tête. Faut pas trahir, faut pas se trahir, c'est galère. Pas de l'offre, je vends pas la cocaïne de sa mère. Ça y est, me voit sage, parce que je prends de l'âge. J'ai le rap en otage, je te pète ton coffrage. D'où l'eau pilotage, les victimes au cage. On les boulette, gros, si on qui stage, non. Pas qu'ils nous bêtent là, je répète là, mes potes vous êtes là. T'inquiète si c'est vraiment une folle, je te dis répète là. Sous Henken égaré, cherche de l'espoir pour barrer la route, viens pas me la barrer. Génération, ton game est taré. Kiff, j'espère, tu serais pas venu me choper sinon. Y'a que des bandes de rappeurs, frérot, c'est hallucinant. Les petits jouent les brigands, non mais dis-moi depuis quand. Les bons élèves deviennent les incitants, devant le proc hésitant. À deux masques, je tiens le guidon. Sur le rétro, c'est tout bleu, poursuite pour une histoire bidon. Et si tout le monde te juge, pas grave, laisse-les faire la pub. Qu'elle soit bonne ou mauvaise, c'est toi seul qui forge ta répute. À l'aise. Qu'on puisse faire tous devant une porte, on sort les becs. Comme un coq, pas de catch, pas dans le rock. Si ça pète, on va le fuck, faut que je pose mon texte. One shot, l'été c'est claquette dans le short. C'est un 3-5, pas pour un coq, un coq. Ça fait volaille, reste tranquille, j'ai pas ton âge. Faut que je déguste sous le soleil, moi je coule pendant que le patronage. Dans des liasses, direction la Jonquera. Si vous voulez nous tester, demande à Chico le pomper là. Non mais t'as pas honte là, chez nous on te baise et on te largue. La veste faut pas la tomber là, si c'est le cas t'as tombé là. Sur la vie je patine, comme Philippe Candeloro. Fini les francs, on veut de l'euro, quartier avec les Condeloro. Cette vie me rouille, crouille, cette vie me saoule. Putain qu'est-ce que j'aimerais trouver une fille bien clean cool. C'est Jules qui arrive, bim boum. Et les RG qui zoom, en 12 qui arrive, qui fouille. Débarque comme God Canton, fausse taille à Cancun. Belle vie plein coulo, plein de soupe, pas de boulot. J'peux pas avancer sous l'eau, et allez vous faire un coulot. Chez nous ça vend des rouleaux, l'avenir au bord du rouleau. Tu présentes dans les moulons, niveau tête ça fait le boulot. Putain mon j'perds la boule, c'est pas cool. Les poulets, les poules, les courses, les bougnoules. Ça se saoule, les boss s'élèvent dans la foule. Écoute un peu ce bête d'instru, construis le perso. À force qu'il me donne pas la balle, j'vais finir par jouer perso. Combien ont taillé, entends la cause des héros. Moi on m'a enlevé l'amour, moi j'peux plus dire t'es quiero. Sois pas raciste, le cœur fait pas la couleur. C'est pas les actes des formes, c'est les mots qui font la douleur. J'suis un loup, ah même plus j'ai mal où. Faut plus laisser rentrer les flics, faut leur jeter des cailloux. J'en avec mes brigands, plus des apparts des villas. Tu sais pas ce que je vis là, j'aurais pu être un David Villa. Et la procureure, fané quand elle annonce sa peine. Tiens jaloux, le rap je le baisse, dis-toi bien que je commence à peine. Demande à Yogo, baisse ton ton, fais pas trop le beau. Trop de bobos, vas-y parle pas mal, on te fait un pogo. Faut que je vise le haut, là j'écarte le volet donc piste là-bas. Prépare le sac et les gars ils prévoient une sortie au cas où si elle abat. La ville m'a mis des coups de bottin, au quartier on est plus autant. Je sais plus où j'en suis putain, j'aimerais remonter le temps. Tu vois pas mes yeux, trop de vécu, appelle-moi monsieur. Je suis pas trop cesseux, donc mais cesse de me faire tes caresseux. C'est vrai que des fois je me manque, bon c'est vrai que des fois je te mens. Mais je t'aime trop, pourquoi? Parce que la famille tout simplement, quelques semaines j'y rentre dedans. Au quartier faut toujours sa paire de gants. Tu connais entre les campus, les bracos en tôle, ça va finir à brûler. Ça s'habille en noir pour la gâterine, quel rodelle te pompe la vague. Le cœur qui bat, tu te camoufles. De la violence élue, tu penses à ta pouve. Et ta mère un truc de fou. J'étais au parquet, je la voyais pleurer. Moi j'savais pas quoi dire, pas quoi faire pour toi mon frère, j't'ai écœuré. J'aimerais bien si les barreaux, quand un flic meurt j'ai le barreau. J'suis souvent sous, sur le carreau, KO, ils jouent tous les Navarros. Pour un pétard, ça te met des gifles, un meurtre. Moi j'ai pas chiche, demande à Hajj, déjà une piche, il me dit dès que je sors on devient riche. J'ai trop laissé passer le temps. 2012 mec j'ai les dents. Les gens me mettent les nerfs. Y'a rien pour nous alors je sais. Génération, grand coulant, guidon, volant, braquet, volet. Citron, vert, marron, bleu, rouge, gris, le meilleur c'est le billet violet. J'ai trop laissé passer le temps. 2012 mec j'ai les dents. Les gens me mettent les nerfs. Y'a rien pour nous alors j'essaie. Génération, plein collant, guidon, volant, papier, volet, citron, vert, marron, bleu, rouge, gris, le meilleur c'est le billet violet.